franceinter.com. Attentats en 2008, 749 en 2009. Dans quelle région du monde a-t-on pu comptabiliser de telles manifestations de violence? Eh bien, vous serez sans doute étonnés, mais ces chiffres officiels concernent la Fédération de Russie. Et pourtant, à part les faits les plus graves, comme ceux qui ont frappé le métro de Moscou à deux reprises en mars 2010, ces événements attirent rarement l'attention de la grande presse occidentale. Et bien entendu, à Moscou, on ne s'empresse nullement de leur donner une publicité excessive. Au contraire, on minimise. Mais il faut dire tout de suite qu'au moins la moitié de ces actes criminels se produisent au sud de la Fédération, dans les républiques caucasiennes, et que, selon toute évidence, ceux qui ont lieu sur le territoire russe sont directement liés à la situation de crise qui prévaut dans tout le Caucase du Nord. Une mosaïque ethnique, religieuse, linguistique et politique qui, depuis la première guerre de Tchétchénie dans la précédente décennie, ne cesse de connaître des troubles, à tel point qu'on parle maintenant de tchétchénisation de toute la région. C'est assurément, pour les maîtres du Kremlin, l'une de leurs principales préoccupations, car rien n'indique que l'incendie pourrait s'éteindre dans les prochaines années, tant les autorités semblent impuissantes à rétablir l'ordre et un minimum d'apaisement. Monsieur X revient sur les origines de cette crise et ses derniers développements. Une crise qu'il faut aussi analyser à travers le prisme de l'inévitable rivalité qui oppose déjà et opposera dans l'avenir les deux hommes forts de la Russie actuelle, le président Medvedev et son premier ministre Poutine. Ma chère ville, loin de moi, entre-nous. Quand je ferme les yeux, j'ai envie de pleurer. Je me rappelle la guerre, les longues nuits sans sommeil, les longues nuits sans secours. Change. Il s'agit sans doute de l'une des régions les plus explosives du monde. Ouais, un monde qui n'en manque pourtant pas. Hein. Alors, pardonnez-moi, mais je dois faire un petit peu de géographie pour commencer. Ou plutôt un rappel rapide, car nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises la situation au Caucase. Le Caucase, qui emprunte son nom à un vieux mot persan, qui signifie le chemin vers l'Asie. Comme vous le savez, il existe deux Caucases. Le Caucase du Sud, ou Transcaucasie, qui comprend la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Trois républiques devenues indépendantes après l'implosion de l'URSS. Oui, mais que continue de surveiller étroitement Moscou hein. Ah bah, la preuve en a été donnée avec la guerre de Géorgie à l'été 2008. Ouais. Et c'est une constante de la politique russe depuis l'époque des tsars. Le Kremlin a toujours lorgné sur ces territoires qui permettent d'accéder aux mers chaudes. Mais aujourd'hui, c'est du Caucase Nord que je voudrais vous parler, c'est-à-dire de la Circaucasie. Qui, elle, appartient toujours à la Fédération de Russie. Hein. Oui, de l'ouest à l'est, on y trouve sept républiques. La Digée, la Karatchaïevo-Tcherkesse, la Karabadino-Balkarie, l'Ossétie du Nord, l'Ingouchie, la Tchétchénie et enfin le Daghestan qui borde la mer Caspienne. Et qu'ont-elles de commun ces républiques là ? La montagne d'abord, c'est une évidence. Il y a des sommets qui culminent à plus de 5000 mètres. Et toutes ont connu un passé assez tumultueux et ont longtemps résisté à la conquête russe. Ouais, j'imagine que le relief montagneux a dû favoriser cette résistance. Naturellement. Ensuite, à l'exception de l'Ossétie du Nord, leurs populations sont majoritairement musulmanes. Enfin, elles ont en commun de composer un puzzle ethnique extraordinairement complexe. Pour le seul Daghestan, la république la plus peuplée de la région, on compte 30 ethnies différentes et une centaine de langues y sont toujours parlées. Ce qui ne doit pas simplifier les rapports entre les gens. Hein. Évidemment, car chaque clan défend farouchement son identité et ses privilèges. Mais notez bien qu'après les révoltes sanglantes du XVIIIe et surtout XIXe siècle, la région a connu un calme relatif sous les soviets qui avaient accordé une autonomie administrative à ces territoires. Oui, mais il y avait aussi la poigne de fer du Kremlin. Hein. Bien sûr. Et beaucoup de ces peuples accusés à tort ou à raison de sympathie pour les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale ont été purement et simplement déportés à l'Est et ne sont revenus chez eux que sous Khrouchtchev à la fin des années 50. Il faut aussi dire, et j'en aurais fini avec ces généralités, que la Circaucasie représente pour la Russie une zone stratégique essentielle qu'elle n'admettra jamais de perdre. Quoi, à cause du pétrole de la mer Caspienne ? Notamment. Les oléoducs traversent une partie de la région. Mais il y a aussi cet accès aux mers chaudes dont je vous parlais. N'est pas un hasard si l'Abkhazie, en bordure de mer Noire, a été arrachée à la Géorgie lors de la guerre de 2008. Et si, pseudo-indépendante, elle est revenue en réalité sous la tutelle de Moscou. Tout le Caucase du Nord est donc aujourd'hui, pour l'armée russe, une zone prioritaire où stationnent d'importantes forces qui doivent souvent faire le coup de main contre les tentatives sécessionnistes qui agitent les républiques. Ouais, et puis il y a l'islamisme. Il faut être très prudent. Il n'est pas question de prétendre que le wahhabisme ou le salafisme n'ont pas progressé dans ces républiques caucasiennes. Cependant, il convient de faire la part de la propagande conçue à Moscou. Là-bas, on assimile trop facilement islamisme et terrorisme. On voit même la main d'Al-Qaïda derrière toutes les explosions de violence qui secouent le Caucase du Nord. Or, même si on a vu parfois des militants islamistes venus d'Afghanistan ou d'autres pays musulmans, il ne semble pas que Ben Laden s'intéresse sérieusement à la région. Il y a quand même un personnage qui se présente comme étant l'émir du Caucase. Ah, Doku Umarov, un Tchétchène. C'est lui qui a revendiqué la responsabilité des deux terribles attentats qui ont ensanglanté le métro de Moscou en mars dernier. Des attentats suicides. Perpétrés, selon les autorités, par deux jeunes femmes originaires du Daghestan. Une parenthèse, là. On a appris cet été qu'Umarov passait la main et se retirait au profit d'un certain Valadov. Pourquoi, d'après vous ? Je ne sais pas exactement, mais cette idée d'un émirat caucasien est loin d'être partagée par les musulmans de la région, qui ne sont pas des intégristes, mais plutôt des nationalistes, et qui pratiquent traditionnellement un islam modéré, le soufisme. Mais encore une fois, Moscou préfère mettre tout le monde dans le même sac et prétendre que tous les terroristes, les boïeviki, comme on dit en Russie, sont des islamistes purs et durs. Des fanatiques qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Et liés au terrorisme international. Ah oui, c'est la thèse officielle. Alors, bien entendu, le détonateur, ça a été la Tchétchénie, Bon, je ne vais pas revenir sur des faits que vous connaissez fort bien, mais la première guerre commencée en 1994 revêt tous les aspects d'une guerre coloniale. Le colonisateur, en l'occurrence la Russie, ne voulant pas accorder l'indépendance à ce petit territoire difficilement conquis au XIXe siècle. On y vénère toujours un imam qui a longtemps résisté par les armes aux troupes tsaristes. Chamil, oui. Et malgré la défaite finale de cet imam et la disparition physique de la moitié de la population, la Tchétchénie n'a vraiment recouvré la paix qu'après 1917. Après la révolution d'octobre. Oui, mais ça n'ira pas sans difficulté, car la collectivisation passe mal dans ce pays de montagne divisé en clans. Mais en 1922, la Tchétchénie obtient son autonomie au sein d'un plus vaste ensemble régional, la République des montagnes. Et un peu avant la Seconde Guerre mondiale, Staline crée la République de Tchétchénie-Ingouchie. Ouais, mais justement, la guerre va tout remettre en question. Staline, je l'ai dit, accuse les populations de la région d'avoir été un peu trop accueillantes lors de l'invasion hitlérienne. Aussi, en 1944, Tchétchènes et Ingouches sont-ils déportés en Sibérie. Et le tiers d'entre eux périt dans les convois. Et lorsque, sous Khrouchtchev, ils reviennent dans leur village, c'est non seulement pour constater que leur patrimoine culturel et religieux a été détruit, mais également que des colons russes se sont installés chez eux. Quoi qu'il en soit, il faut attendre 1990 pour que ressurgissent les premiers mouvements indépendantistes. Et c'est un général de l'armée rouge qui prend leur tête. Doudaïev, le premier président de la Tchétchénie proclamée indépendante. Enfin là, je vais vite. En 1994, en dépit de la pagaille qui règne à Moscou, les Russes entreprennent de reconquérir la Tchétchénie au prix de bombardements massifs de la capitale, Grozny. Ouais. Mais les combattants tchétchènes, qui ont derrière eux une longue tradition guerrière, opposent une résistance farouche. Et finalement, les Russes doivent mettre les pouces. Un accord de paix est conclu en 1996. Il est prévu que la question de l'indépendance sera réexaminée plus tard. Mais dans les 3 années qui suivent, la Tchétchénie connaît de nombreux troubles. Et d'abord parce que se sont levés de redoutables chefs de guerre qui contestent le pouvoir tchétchène, tel Chamil Bassaïev. Un islamiste. Hein. Qui joue un jeu trouble. Ouais. Oui, vous m'avez dit autrefois qu'il était sans doute manipulé. Vraisemblablement par l'oligarque Berezovski, qui a des vues sur le léoduc qui traverse le pays. En septembre 1999, alors qu'à Moscou, Vladimir Poutine vient d'être nommé Premier ministre, Bassaïev commande une curieuse incursion au Daghestan voisin. Son intention aurait été de créer un État islamique regroupant les deux républiques. Et l'armée russe, qui l'a laissé pourtant pénétrer au Daghestan, riposte en bombardant à nouveau la Tchétchénie. Bassaïev, lui, se retire, tandis qu'une série de mystérieux et sanglants attentats frappent Moscou et des villes du sud de la Russie. Des attentats, bien sûr, aussitôt attribués aux Tchétchènes. Oui, alors que, sous toute vraisemblance, ils ont été perpétrés avec la complicité active de membres des forces de l'ordre issus du FSB, l'un des services secrets qui a succédé au KGB. Conséquence immédiate, une formidable campagne anti-tchétchène déferle sur la Russie. Et c'est le prétexte qui permet à Poutine d'engager la deuxième guerre de Tchétchénie. Et surtout de succéder bientôt à Boris Yeltsin. Hein. Oui, car l'ancien dirigeant du KGB apparaît comme étant l'homme fort, capable de mettre fin au terrorisme tchétchène. Dès le mois d'octobre 1999, les troupes russes entrent en Tchétchénie. Et c'est le début d'un interminable cycle de violences et d'exactions en tout genre. Mais ce que ne prévoyait peut-être pas Poutine, c'est que le feu allait s'étendre bien au-delà des frontières de la petite Tchétchénie, dans les autres républiques du Caucase du Nord. Rendez-vous avec X. Si, comme le dit Monsieur X, le feu va s'étendre dans les autres pays du Caucase du Nord, il ne faut pas croire pour autant que les autorités de ces républiques vont se dresser contre Moscou. Et la Confédération des pays du Caucase, créée en 1980, ne parviendra ni à unifier politiquement la région, ni à manifester une quelconque solidarité active vis-à-vis des combattants tchétchènes. Un constat effectué dans un livre collectif publié par La Découverte en 2005, Tchétchénie, une affaire intérieure. Extrait. Durant la Seconde Guerre, les Tchétchènes perdent l'appui de presque tous leurs voisins. Alors que les relations avec les Ossètes sont traditionnellement tendues, l'opinion publique et les autorités daghestanaises leur deviennent nettement hostiles, coupant les possibilités de sortie de Tchétchène vers l'Azerbaïdjan. Seul, l'Ingouchi du général Aouchev accueille massivement des réfugiés après 1999 et adopte une position critique envers la Russie, politique sur laquelle s'est empressé de revenir depuis 2002 le nouveau président ingouche Mourat Ziazikov, un ancien colonel du FSB. Bon, restons encore un instant en Tchétchénie, où la sale guerre de l'armée russe ne prendra officiellement fin qu'en 2009. Dès son élection à la présidence de la Fédération de Russie, Poutine nomme à la tête de la République tchétchène un moufti qui a été autrefois l'un des meneurs de la rébellion, Akhmad Kadyrov. Mais ancien rebelle, mais qui s'est soumis à Moscou. Oui, cette nomination ne met nullement un terme au conflit et à ses effets collatéraux. Les actes terroristes en Tchétchénie même, mais aussi sur le territoire russe. Vous n'avez certainement pas oublié la spectaculaire prise d'otage dans le théâtre moscovite de la Dubrovka en 2002. Et la prise d'assaut par les forces de l'ordre qui a suivi. Oui, une intervention particulièrement meurtrière, puisqu'on relèvera 130 morts, spectateurs et preneurs d'otages mélangés. Mais il y aura beaucoup d'autres attentats. Un peu plus tard, en 2003, Moscou organise un référendum pour le moins controversé, qui consacre avec un taux d'approbation quasi-soviétique l'appartenance inaliénable de la Tchétchénie à la Russie. Puis, à la fin de cette même année, l'homme de Moscou, Kadyrov, est élu président à l'issue d'une élection entachée de nombreuses irrégularités. Mais ce n'est pas pour autant la paix, hein. La preuve en est qu'en mai 2004, Kadyrov est tué dans un attentat. Et c'est son fils qui lui succédera un peu plus tard. Ramzan, ouais. Un tout jeune homme qui gouverne comme un chef de bande, fort d'une milice de 5000 hommes qui impose sa loi dans un pays qui tente tant bien que mal de se reconstruire. Ouais. Le jeune Kadyrov a aussi islamisé la Tchétchénie. Hein. C'est parfaitement exact. On n'y vit pas sous la charia, mais ça y ressemble. Et avec l'approbation de Moscou. Oh, bien sûr. D'ailleurs, la Tchétchénie, comme la plupart de ses voisins caucasiens, vit sous perfusion de Moscou. Ce qui n'empêche pas Kadyrov de vivre de façon fastueuse. Enfin, passons. Plus importante et même plus inquiétante, étant donné la personnalité de ce satrape, et son ambition de réunir sous sa coupe les pays du Caucase du Nord. Ouais, mais pour l'instant, il n'a pas réussi. Non, hein. Il a beau être très en cours auprès de Poutine, cette satisfaction lui a été refusée, au moins jusqu'à maintenant. Toutefois, il n'est pas décidé à renoncer et n'hésite pas à opérer des expéditions punitives chez ses voisins du Daghestan et de l'Ingouchie. Et contre qui alors? Ceux qu'il appelle les rebelles, c'est-à-dire les Wahhabites, comme on dit à Moscou, des partisans de celui qui s'est autoproclamé émir du Caucase. C'est Oumarov là, qui vient de sortir. Alors, vous annonciez une contagion de la violence dans le Caucase du Nord à partir de la deuxième guerre de Tchétchénie. Et pour vous en convaincre, voyons d'abord les faits. Et après, on essaiera de comprendre. En juin 2004, des insurgés attaquent par surprise des objectifs policiers dans deux villes ingouches et provoque la mort de plusieurs dizaines de personnes. En même temps, au Daghestan, les forces de police affirment avoir déjoué un attentat à la voiture piégée dans la capitale et découvert deux missiles anti-chars braqués contre un bâtiment gouvernemental. Deux mois plus tard, en Gabardino-Balkarie, un camion des forces de l'ordre est attaqué par un commando. 400 aumônes. Aumônes, c'est-à-dire les membres de la police spéciale anti-émeute. Hein. C'est ça. Oui. Donc, 400 aumônes interviennent contre les assaillants. Là encore, il y a de nombreux morts. Mais ce n'est pas tout. En août, des rebelles tchétchènes font une démonstration de force à Grozny et s'attaquent au bureau de vote mis en place pour l'élection présidentielle. Plus grave encore, deux avions de ligne partis de Moscou explosent en plein vol. Des attentats ? Le Kremlin commence par nier, puis finira par admettre que ce sont des femmes kamikazes qui ont commis ces deux attentats. D'ailleurs, ils sont revendiqués par une organisation islamiste qui affirme soutenir ses frères tchétchènes. Et cette même organisation revendiquera aussi l'explosion d'une voiture piégée près d'une station de métro de Moscou. Enfin, vous vous en souvenez, en septembre de la même année, c'est la terrible attaque de l'école de Beslan. On ne sait-il du Nord. Et comme lors de l'affaire de la Dubrovka, les forces de l'ordre emploient la manière forte, alors que 1300 personnes, dont une majorité d'enfants, sont prises en otage à l'intérieur du bâtiment. Et c'est le drame. Avec les terroristes, ils seront près de 350 à trouver la mort lors de l'assaut. Et aujourd'hui encore, on se pose des questions sur ce qu'il s'est réellement passé à Beslan. Ah oui, mais le Kremlin fait la sourde oreille. Pour les autorités russes, la responsabilité entière de ce massacre doit être attribuée aux terroristes tchétchènes et à leur chef, qui a revendiqué l'opération, Chamil Bassaïev. Mais ce trouble Bassaïev. Bassaïev qui finira par être tué. Hein. En juillet 2006, oui. En attendant, Poutine profite de l'émotion suscitée par la tragédie de Beslan pour décider que désormais les gouverneurs régionaux ne seront plus élus au suffrage universel, mais directement nommés par le Kremlin. Les parlements locaux seront simplement appelés à ratifier ces nominations. Ouais, ça signifie donc un renforcement considérable du pouvoir central. Et les conséquences seront assez malheureuses, car cette décision contrarie l'équilibre traditionnel qui existait entre les différentes ethnies. Ce sera particulièrement évident au Daghestan. Mais enfin, poursuivons avec cette énumération des événements violents. En septembre 2004, le gendre du président de la République de Karachay-Tcherkess fait assassiner 7 opposants politiques. Puis, l'année suivante, au Kabardino-Balkarie, des combattants islamistes attaquent un bâtiment des forces de l'ordre. L'armée russe intervient, on décomptera une centaine de morts. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces événements très graves à Parbestan passent relativement inaperçus à l'ouest. Et pourtant, il ne faut pas oublier que le Caucase est au seuil de l'Europe, oui. Mais à Moscou, on fait tout pour étouffer ces informations préoccupantes. Ainsi, lorsque l'envoyé spécial du Kremlin dans la région, un homme nommé par Poutine, ose évoquer la dégradation de la situation dans tout le Caucase du Nord, il ne tarde pas à être limogé et rappelé à Moscou. Ouais, silence, quoi. Ouais, une véritable chape de plomb, oui. Sauf quand les attentats frappent Moscou, et alors là, on ne peut pas les passer sous silence. Bien évidemment. Mais la plupart des autres faits attribués à tort ou à raison aux terroristes sont soigneusement tus. Ouais, d'autant que Poutine a construit sa popularité sur sa capacité ou sa volonté à lutter contre le terrorisme. Et encore, pour ma part, ne vous ai-je parlé que des événements les plus importants, car la violence est presque quotidienne. Des journalistes, des élus, des humanitaires sont assassinés ou enlevés, tandis que les mafieux se livrent à de nombreux règlements de compte. Tenez, prenez la seule année 2009. En juin, le ministre de l'Intérieur du Daghestan, qui a déjà échappé à 3 attentats, est assassiné. Le même mois, c'est son ex-homologue du Ingouchi qui tombe sous les balles d'un commando de francs-tireurs. Naturellement, à chaque fois, ce sont les islamistes qui sont accusés. Mais ces républiques sont aussi minées par la corruption. Et quelques-uns de ces assassinats ressortent aussi de la pure criminalité. Hein. On peut le penser. Autre cible, les défenseurs des droits de l'homme. En juillet 2009, la représentante à Grozny de l'association Mémorial, qui ne cessait de dénoncer les exactions commises par le régime de Kadyrov, est assassinée. Et un mois plus tard, c'est le tour d'un couple qui travaillait pour l'UNICEF et venait en aide aux enfants victimes de la guerre. Et là, on ne peut pas accuser les islamistes. Bah, raisonnablement, non. Il faut donc y voir la main de milices recrutées par les autorités locales et même d'organisations criminelles qui sont directement manipulées par Moscou et son service de renseignement, le FSB. Toujours au nom de la lutte antiterroriste. En effet. C'est ainsi qu'on peut observer la présence d'hommes masqués et armés qui circulent dans des véhicules dépourvus de plaques d'immatriculation. Des commandos qui enlèvent ou assassinent en toute impunité. Et qui seraient donc des appendices des forces de l'ordre ? Tout à fait. Des supplétifs de la police ou de l'armée russe. On peut ainsi faire disparaître des opposants ou simplement des gêneurs. Et plus généralement, il s'agit d'instaurer un climat de terreur dans les populations. Quoi, afin de les dissuader de sympathiser avec les islamistes ? Ah, mais bien au contraire, chacune de ces exactions précipite des hommes, surtout très jeunes, dans les bras des islamistes. Car dans ces régions où la vendetta n'est pas un vain mot, il faut venger ceux qui ont été victimes de ces tueurs anonymes. J'ajoute que le chômage qui accable beaucoup de ces jeunes gens permet aussi aux islamistes de recruter à bon compte. On aboutit donc paradoxalement à une radicalisation. Bah, c'est évident. Et c'est le résultat le plus visible de la tchétchénisation de la région. Mais attendez, ça consiste en quoi exactement cette stratégie-là ? Il s'agit pour Moscou, comme ça s'est passé en Tchétchénie avec l'ascension au pouvoir de Kadyrov Junior, de se chercher un allié chez les rebelles, d'en faire un petit dictateur local après s'être assuré de sa loyauté. Et ensuite, on lui donne les moyens de régner par la force. Ouais, grâce à ses supplétifs qui sèment la terreur. C'est cela. Je vous l'ai dit, c'est une arme à double tranchant. Et au Kremlin, cette politique à court terme sera certainement au cœur de la rivalité qui va presque automatiquement opposer le président Medvedev et son premier ministre Poutine. Car au moins, en ce qui concerne le Caucase du Nord, ils ne sont absolument pas sur la même ligne. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En 2009, Marie Jégot, envoyée spéciale du journal Le Monde, a effectué un grand reportage en Ingouchie sous le titre « Les masques de la terreur ». Elle évoque ces hommes masqués qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, ont tous les droits, encerclent les maisons, se faufilent dans les cours, enlèvent les jeunes hommes ou les tuent sur place. Plus loin, elle précise, je cite, « Derrière les masques se cachent les représentants de l'ORB2, une division du ministère de l'Intérieur placée sous les ordres directs du pouvoir fédéral. Le général Arkady Edelev, un ancien des services de sécurité devenu vice-ministre de l'Intérieur de Russie, est leur grand patron. Ces escadrons sont constitués de Russes envoyés en mission dans la région qui agissent avec le soutien d'auxiliaires tchétchènes, les nervis du président Kadyrov. Le QG de l'ORB2 est à Grozny. En Ingouchie, comme en Tchétchénie, ses représentants arrêtent sur dénonciation ou d'après les listes de suspects établies dans chaque village avec l'aide de la police, de l'imam et d'informateurs. Ils travaillent n'importe comment, se trompent dans les identités. On dirait qu'ils ne savent pas vraiment qu'ils arrêtent, déplore Timour, qui dirige le bureau de mémorial à Nazran. Alors d'après vous, il y aurait donc, chez Medvedev et Poutine, une approche différente de la situation au Caucase du Nord. Ah bah c'est incontestable. Mais pour l'instant, il me semble plutôt que c'est la ligne poutinienne qui l'a emporté. Vous avez raison. C'est la politique de force et de répression à tout va selon le principe poutinien de la verticale du pouvoir. Ce qui veut dire ça? C'est très simple. Tout doit procéder de l'exécutif russe qui a passé un pacte avec les élites locales. On vous donne de l'argent, et entre parenthèses, les républiques du Caucase coûtent très cher à la Russie, et en contrepartie, vous vous engagez avec notre aide à faire régner l'ordre chez vous. Ouais, par tous les moyens. C'est à peu près ça. Ouais. Et Medvedev, lui, n'est pas d'accord? Non. Mais il le montre à sa manière, très prudemment. Pourquoi ? Parce qu'il n'ose pas s'opposer frontalement à Poutine ? Eh bien, d'abord, parce qu'il ne peut pas oublier qu'il a fait roi. Ouais. Poutine, bien sûr, empêché de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle par la Constitution russe. Hein. Mais qui espère bien concourir lors de la prochaine échéance électorale. Il l'a d'ailleurs à peu près annoncé. Donc, il se présentera contre Medvedev si celui-ci tente de se succéder à lui-même. Ce qui est très probable. Et ensuite, Medvedev n'ignore pas que Poutine est à la tête d'un puissant appareil policier. Mais on reparlera de ce point particulier. En tout cas, déjà, on sent monter les tensions entre les deux hommes. Et la question du Caucase du Nord est assurément l'une de celles où Medvedev peut afficher clairement sa différence. Toutefois, je vous l'ai dit, il est prudent. Alors, de quelle façon commence-t-il ou a-t-il commencé à s'opposer à la ligne Poutine ? En octobre 2008, Medvedev limoge le président ingouche, Mourat Ziazikov, un ex-général du FSB. Et donc un homme de Poutine ? Forcément. J'ajoute que ce Ziazikov illustre à la perfection tous les défauts de ces petits dictateurs qui se soucient fort peu du respect des droits de l'homme et règnent par la peur qu'inspirent leurs escadrons de la mort. Alors, en le limogeant, Medvedev veut faire un exemple ? Bien sûr. Il veut aussi montrer à Poutine qu'il peut user de son pouvoir de président de la Fédération de Russie. Et ensuite, pour enfoncer le clou, il nomme à la place de Ziazikov un autre général, issu, lui, du renseignement militaire. Donc pas de l'ancien KGB. Et cet homme, Younous Evkourov, est un modéré qui jouit d'une excellente réputation dans son pays. En outre, d'emblée, ce nouveau président ingouche annonce son intention de lutter contre la corruption. Car bien sûr, dans toutes ces républiques caucasiennes, l'exercice du pouvoir s'accompagne de malversations et de compromissions avec les mafias locales. Evkourov passe à l'acte ? Oui, à peine nommé, il déclenche une vingaine d'enquêtes. Mmh, c'est dangereux. Ah, très dangereux. En juin 2009, donc quelques mois après sa nomination à la tête de l'Ingouchi, une voiture piégée fonce sur son véhicule blindé. Evkourov est tué ? Non, mais il est grièvement blessé et devra passer 2 mois dans un service de soins intensifs. Mais ses 2 gardes du corps ont péri. Conséquence, hein ? Ziazikov et son clan en profitent aussitôt pour reprendre la main. Et naturellement, ils s'empressent de clore les enquêtes entamées par Evkourov. Oui, parce qu'elle risquait de les éclabousser. Ah, c'est évident. Donc, on peut penser que l'attentat suicide contre Evkourov a été téléguidé par le clan Ziazikov. Ça ne m'étonnerait pas. Mais on a préféré accuser les terroristes islamistes ou encore des espions manipulés par la Géorgie. Magomed Yevloyev, un journaliste ingouche qui avait créé un site internet d'information très couru, n'a pas craint de dénoncer les malversations de Ziazikov. En août 2009, alors que le président Evkourov se remettait de ses blessures, ce journaliste a été arrêté à l'aéroport de Nazran, la capitale de l'Ingouchie. On l'a fait grimper dans une voiture de police et il n'en est sorti que mort. Un assassinat ? Bien sûr. Mais officiellement, ce paisible journaliste aurait essayé de s'emparer de l'arme d'un policier et le coup serait parti. Une version cousue de fil blanc. Ce personnage embarrassant a été éliminé par les sbires de Ziazikov. Mais guéri, Evkourov a-t-il recouvré ses fonctions présidentielles ? Oui. Cependant, le commandement russe, en prenant prétexte d'une nouvelle attaque à la voiture piégée contre un poste de police ingouche, a limogé le ministre de l'Intérieur et subordonné les forces de sécurité à Moscou. Mmh. Evkourov a donc perdu une partie de son pouvoir. C'était manifestement l'objectif. Quant à Ziazikov, il a été promu conseiller du Kremlin et les forces de police ingouche ont été priées d'en référer directement à lui pour toutes les questions de sécurité. Mmh. Ça ressemble à un affront là, pour Medvedev. Aussi, ce dernier n'a-t-il pas tardé à riposter. À la fin de l'année 2009, dans un discours prononcé devant la Douma, le Parlement russe, il a annoncé sa volonté de nommer un super consul du Caucase du Nord. Un homme qui aurait autorité sur toute la République ? Et le Tchétchène, Kadyrov, soutenu par Poutine, se serait bien vu occuper cette fonction. Mais Medvedev en a jugé autrement et il a nommé un homme d'affaires. Kloponine. Donc, pour une fois, il ne s'agit pas d'un personnage issu des services secrets ou des forces de sécurité. Et ça illustre bien la nouvelle ligne politique incarnée par Medvedev. Plutôt que de réprimer à tout va, mieux vaut tenter de développer économiquement ces territoires qui sont parmi les plus pauvres de la Fédération de Russie. Et Poutine s'est incliné ? Il n'a pas pu faire autrement, mais il a quand même obtenu que ce super consul dépende à la fois du président et du Premier ministre. C'est-à-dire de lui-même. Hein. Une petite compensation. Mais c'est à une démonstration supplémentaire qu'on va assister à court ou moyen terme. Une lutte à couteau tiré entre les deux clans qui sont au pouvoir en Russie, les Siloviki de Poutine et ce qu'on appelle dorénavant par un autre néologisme, les Siviliki. Expliquez là. Les Siloviki, un terme forgé à partir du mot Sila, qui veut dire la force, réunissent les organismes de sécurité, police, armée, services de renseignement et plus généralement le complexe militaro-industriel. Et en raison de son passé de KGBiste, Poutine est presque naturellement leur champion. Mais politiquement, qu'exprime-t-il ? Les Siloviki veulent que la Russie recouvre au plus vite son ancien statut de grande puissance. Ils sont donc partisans d'un pouvoir fort et d'une démocratie limitée. Une démocratie souveraine, comme disent les idéologues de ce clan. Et surtout, pas une démocratie telle qu'elle existe en Occident. D'ailleurs, ces gens-là sont plutôt anti-occidentaux et très nationalistes. Ah, au fond, ce sont des nostalgiques de l'URSS. Et même de l'ancien régime tsariste. Et les autres, là, les Siviliki ? Comme leur nom l'indique, ce sont des représentants de la société civile. Sur le plan économique, ce sont des libéraux. Et on trouve dans leur rang nombre d'hommes d'affaires et de dirigeants de grandes entreprises. Et en politique, ils s'affirment démocrates et partisans d'un rapprochement avec l'Union européenne. Et Medvedev est leur représentant. Oui, Medvedev qui entend donner l'image d'une Russie moderne, ouverte sur le monde et débarrassée de ses anciens démons totalitaires. Et en Ingouchie, mais aussi dans d'autres régions de la Fédération, il a entrepris de démettre des gouverneurs ou des ministres mis en place par Poutine. Des hommes issus des rangs de l'ancien KGB. Et ça a donné lieu à quelques escarmouches entre les deux hommes, chacun d'entre eux veillant à ce que l'autre n'empiète pas sur ses prérogatives constitutionnelles. Ouais. Bref, c'est la paix armée. Oui, enfin, ça y ressemble. Et sans nul doute, l'épine caucasienne est l'une des questions où l'opposition entre les deux hommes s'exprime le plus ouvertement. Medvedev, par exemple, ne supporte pas les dérives autoritaires et criminelles d'un Kadyrov. Et il a récemment refusé la nomination d'un haut fonctionnaire désigné par Moscou dans une autre république caucasienne de Daghestan, un territoire où l'agitation ne cesse de croître et d'inquiéter. L'agitation islamiste ? Oui, c'est au Daghestan qu'on a vu apparaître une nouvelle organisation musulmane d'inspiration salafiste, la Sharia Jamaat, qui a déjà perpétré nombre d'assassinats et d'attentats. Mais pour revenir à la compétition entre Medvedev et Poutine, l'affrontement demeure encore feutré, car les deux hommes ont compris que s'ils en venaient aux mains, ils risqueraient de tout perdre. Mais comment cela peut-il finir alors ? Ça faudrait le demander aux dirigeants de Gazprom, la plus importante entreprise du pays et le véritable arbitre de la situation. Gazprom, un état dans l'état où Medvedev a commencé de faire le ménage en chassant quelques tchéquistes qui avaient fait carrière. Et c'est donc, à votre avis en tout cas, Gazprom qui fera pencher la balance dans un sens ou dans l'autre ? Je le pense. Et si vous réfléchissez bien, où se trouvent les vrais intérêts de cette gigantesque entreprise qui fournit en gaz une bonne partie de l'Europe ? Dans un système ouvert et libéral, bien entendu. Donc, Gazprom pencherait plutôt pour Medvedev. En effet. Mais Poutine n'a certainement pas dit son dernier mot. Il pourrait bien profiter d'une exacerbation de la crise caucasienne pour s'affirmer. Exactement comme il l'a fait après les attentats de 1999 qui ont si étrangement servi sa cause. Apparaître en octobre prochain aux éditions universitaires de Bruxelles « Ordre et désordre au Caucase » de Sylvia Cyrano et Aude Merlin. Et pour bien comprendre les enjeux actuels de la lutte pour le pouvoir qui se livre actuellement dans les coulisses du Kremlin, vous pouvez vous référer à plusieurs publications récentes, dont celle des revues « Politique étrangère » et « Politique internationale ». Vous en saurez plus sur franceinter.com. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission, Michel Billou l'a réalisée et Monsieur Djoub l'a mise en musique. Tout de suite après le flash CO2 Mon amour de Denis Jussou, enfin la nature.